Par moments, les files de voitures, trop pressées, s'arrêtaient toutes à la fois sur plusieurs lignes. Alors, on restait les uns près des autres et l'on s'examinait. Du bord des panneaux armoriés, des regards indifférents tombaient sur la foule. Des yeux pleins d'envie brillaient au fond des fiacres. Des sourires de dénigrement répondaient aux ports de tête orgueilleux. Des bouches grandes ouvertes exprimaient des admirations imbéciles. Et çà et là, quelques flâneurs, au milieu de la voie, se rejetaient en arrière d'un bond pour éviter un cavalier qui galopait entre les voitures et parvenait à en sortir. Puis, tout se remettait en mouvement. Les cochers lâchaient les rênes, abaissaient leurs longs fouets. Les chevaux, animés, secouant leurs gourmettes, jetaient de l'écume autour d'eux. Et les croupes et les harnais humides fumaient dans la vapeur d'eau que le soleil couchant traversait. Passant sur l'arc de triomphe, il allongeait à hauteur d'homme une lumière roussâtre qui faisait étinceler les moyeux des roues, les poignées des portières, le bout des timons, les anneaux des sellettes. Et, sur les deux côtés de la grande avenue, pareil à un fleuve où ondulaient des crinières, des vêtements, des têtes humaines, les arbres, tout reluisants de pluie, se dressaient comme deux murailles vertes, le bleu du ciel au-dessus reparaissant à de certaines places avec des douceurs de satin. Alors, Frédéric se rappela les jours déjà loin, où il enviait l'inexprimable bonheur de se trouver dans une de ses voitures, à côté d'une de ses femmes. Il le possédait, ce bonheur-là, et n'en était pas plus joyeux.